Fin février 2003, chapitre 46e, frustration. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Dutilleul avait bouclé son enquête, et il n'avait guère eu le loisir de les voir passer. En plein mois de juillet, il avait reçu une très jolie lettre de Jocelyne Pradier qu'il avait relue plusieurs fois. « Cher monsieur le commissaire, monsieur Morand sort à l'instant et je voulais vous remercier de tout mon cœur de ne pas avoir laissé tomber Mathilde. À présent, je sais. Je ne suis pas heureuse. Comment accepter que son enfant ait été tué de cette façon, surtout par d'autres enfants? La chose est trop au-dessus de mes forces. Je sais que vous avez mobilisé des moyens pour ce qui n'était qu'une vieille affaire, et je ne vous en remercierai jamais assez. Je voudrais également remercier cet inspecteur qui a fait du si bon travail, et dont malheureusement j'ai bêtement oublié le nom. Je sais que c'est grâce à sa ténacité que Mathilde peut désormais reposer en paix. Quand je vous disais qu'elle avait quelque chose de pas ordinaire, cela ne tenait pas seulement à son physique. Quand je regarde sa photo, son regard me semble toujours vivant, comme s'il nous disait quelque part « Ne m'oubliez pas ». Je la revois alors telle qu'elle était, gaie, douce, aimante, juste un peu trop discrète. Comme a fait exprès, la grand-mère des meurtriers a repris contact avec moi. Je la connaissais vaguement. Je dois avouer qu'au départ, je n'avais pas trop envie de lui parler, d'entendre ses excuses, surtout après tout ce temps. Puis, je crois que quelque chose s'est apaisé dans mon cœur et une porte enfin acceptée de s'entrouvrir. Je l'ai vue la semaine dernière et j'ai immédiatement compris combien elle avait souffert, elle aussi. C'est par elle que j'ai su que vous aviez eu une très longue conversation avec son fils. Je vous ai béni parce que tout cela était si injuste. J'ai pu lui pardonner à elle et à lui, mais pas à eux. Je sais où ils sont, grand bien leur fasse, mais que surtout ils ne reviennent jamais, car ils souillent tout ce qu'ils touchent. C'est pour cela que, croyez-moi, je n'aimerais pas être à la place de Pierre Plantier. C'est un bien trop terrible poids à porter pour un homme comme lui. Le téléphone se mit brutalement à sonner, interrompant brutalement Dutilleul dans ses pensées. « Dutilleul, pourriez-vous passer me voir, s'il vous plaît? Là, maintenant, monsieur? Oui, ça serait bien. » Comme Viard avait pris la peine d'appeler lui-même, Dutilleul jugea qu'il n'avait effectivement rien de plus important à faire et répondit « C'est d'accord, monsieur, j'arrive tout de suite. Je vous remercie, mais prenez tout de même le temps d'avaler votre thé, sans vous brûler, cela va de soi. » « C'est entendu. » Depuis que la presse avait qualifié l'affaire Turandot, et surtout grâce au soutien inconditionnel de Viard, les rapports entre les deux hommes étaient devenus sinon amicaux, très cordiaux. Ils avaient fini par beaucoup échanger, et une petite complicité s'était établie. Viard respectait maintenant sincèrement Dutilleul, d'autant plus que celui-ci lui avait non seulement évité quelques bourdes, mais mieux encore, il lui avait expliqué. « Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire. Non, non, calmez-vous. La première est une excellente nouvelle pour l'intéressé. » Au prix d'une lutte âpre, le dossier de rémunération de Girardin va être revu sérieusement à la hausse. Seul bémol toutefois, on lui demande de ne pas en faire état à quiconque, car normalement seul le passage d'un échelon supplémentaire justifie une telle rallonge. Pour ma part, il a largement passé cet échelon dans la pratique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous connaissez la maison, et ce n'est ni vous ni moi qui allons la changer. Pour en revenir à Girardin, il me semble tout à fait naturel que ce soit vous qui lui annonciez la bonne nouvelle. C'est extrêmement délicat de votre part, monsieur. Mon bon Dutilleul, je ne suis pas seulement un jeune con ambitieux. Non, non, ne niez pas. Je sais que vous l'avez pensé, comme tout le monde. Je suis ambitieux, c'est vrai. Mais je sais aussi reconnaître la valeur de chacun. Je vais même vous dire autre chose. J'ai même été jusqu'à réclamer une rallonge pour vous, même si je sais que vous n'en avez pas l'utilité. C'était, on va dire, juste pour voir. « Et alors ?» dit Dutilleul, soudain intéressé. « Ça a franchement tiqué. Certes, on reconnaît la qualité de votre travail, difficile de faire autrement, mais il faut aussi satisfaire les autres services, blablabla. » « Bref, » dit Dutilleul en riant, « vous n'avez pas connu le même succès. »« Non. » « Croyez bien que j'aurais sincèrement aimé. » Bon, ça c'était la bonne nouvelle. Quelle est la mauvaise? inutile de tergiverser, vous finirez par l'apprendre à un moment ou un autre. Un collège d'experts psychiatres s'est réuni. Apparemment, selon leurs conclusions, Thérèse Turandot ne pourrait être jugée responsable de ses actes. Elle souffrirait d'une pathologie mentale qui l'empêcherait de répondre des faits. C'est effectivement un coup dur. « Attention, Dutilleul, personne ne remet en question la qualité de votre travail, compris ?» Malheureusement, avec quelqu'un comme Turandot père, c'était à prévoir. Les autres ? Pour Carlo Simoni et Frank Steiner, il est à peu près établi qu'ils paieront, tout comme Thouvenot, mais à un moindre degré. Tiens, celui-ci est jugé responsable de ses actes. Je sais, Dutilleul, je sais. La grand-mère ne semble pas avoir l'entregent de M. Turandot père. Je crois néanmoins que sa responsabilité sera minorée, mais il connaîtra le foyer, même si je ne suis pas du tout sûr que ce soit la solution. Croyez bien, Dutilleul, que je partage la même amertume que vous. Moi aussi. J'en ai plus que marre du pouvoir occulte du carnet de chèques. Surtout que cette fois, nous ne pouvons rien faire. J'ai restitué à regret le journal. Vous ne pouviez le garder, vous le savez comme moi. De plus, la famille aurait certainement obtenu qu'il ne soit pas produit au procès. Pourtant, il y avait absolument tout. C'est bien ça le problème. Donc, si je vous suis bien, on oublie tout, même l'agression contre Tiphaine Gervelier. La plainte a été retirée il y a 2 jours. Papa a encore signé un de ces très gros chèques qui efface tout. J'en suis aussi malade que vous. Je n'ai pas cessé de tempêter, mais on m'a bien fait comprendre au lieu l'inutilité de ma démarche. Thérèse Turandot ne paiera donc jamais. Ça, voyez-vous, c'est beaucoup moins sûr. Comment ? Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à vous suivre. Retenez bien une chose, Dutilleul. Thérèse Turandot a de toute façon perdu sa liberté pour de longues années. Même si la cage est plus confortable et dorée qu'une cellule, elle n'en demeure pas moins une prison. Jusqu'au moment où papa aura décidé que la punition a assez duré. Vous verrez alors que la porte s'ouvrira toute grande, et qu'il aura même droit aux courbettes. Cette fois-ci, je ne partage pas votre amertume. Je ne vous comprends toujours pas. C'est parce qu'il vous manque des cartes essentielles. Comme vous le savez, je possède moi aussi un certain entre-gens. Certes, pas aussi large que papa Turandot, mais tout de même. Il est vrai que jusqu'à présent, je n'ai guère eu besoin de m'en servir, mais pour certains dossiers... Je commence à saisir où vous voulez en venir. Vous dites que vous pourriez contacter très discrètement le corps médical. Exactement. Je sais que le procédé n'est pas très joli, mais dites-vous bien, Dutilleul, que si le besoin venait à s'en faire sentir, je n'hésiterais pas une seconde. Beaucoup de gens ont été choqués par cette affaire. Je sais donc toute l'efficacité que pourraient avoir certains coups de téléphone. Sans doute, seulement, elle finira bien par sortir. Le plus tard possible. Soyez certain que je veillerai personnellement à la chose. Que voulez-vous, quand on ne peut pas rentrer par la porte, il est parfois bon de tenter toutes les autres issues. Si vous le dites, ayez un peu confiance, Dutilleul. Thérèse Turandot est peut-être à l'abri, mais elle n'est pas tirée d'affaire pour autant. Passons, car je n'en ai pas encore fini. Autant vous le dire sans embâge, je rentre chez moi. À Nancy, non, à Épinal. Ma femme est ravie et moi aussi, je ne vous le cache pas. Vous n'avez pas succombé au charme de Paris ? Non. Que voulez-vous, je suis un indécrottable provincial et j'aime ma région. Alors je vous souhaite sincèrement beaucoup de réussite. Tout dépendra de la valeur des gens que j'aurai sous mes ordres. Je sais déjà que je ne risque pas de croiser quelqu'un comme vous. Et je le regrette. C'est comme tout, je me ferai une raison. Bon, vous vous ferez d'autres alliés. Je n'en doute pas. Contrairement à ce que pensent certains, j'y arrive toujours. J'aime le challenge, c'est dans ma nature et je sais m'adapter. Alors, effectivement, vous ne pouvez que réussir. On verra bien. En attendant, autre bonne nouvelle pour vous. Castex revient dans le périmètre. Inutile de me dire combien vous l'appréciez. Je le sais déjà, tout comme je sais combien votre collaboration fut fructueuse par le passé. Bien sûr, ce n'est pas officiel, mais en réalité, c'est déjà fait. Il est vrai que je le retrouverai avec plaisir. Il a très bonne réputation. Pour ma part, je ne l'ai jamais croisé. C'est quel genre ? « Difficile à définir, monsieur. C'est quelqu'un de vraiment à part dans son genre. »« Alors effectivement, il ne peut que s'entendre avec vous. Dernière chose et non des moindres, j'ai fini par le dégoter, votre prénom. » Dutilleul regarda Viard, sincèrement surpris. Celui-ci n'en reprit pas moins. Je vous ai dit que j'étais un tenace. J'aimerais tout de même savoir comment vous vous y êtes pris. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un très bon réseau. Tout comme vous, d'ailleurs. J'ai simplement réussi à me procurer le tout premier formulaire que vous avez rempli. Je le croyais jamais enfoui en province. Vous voyez bien que non. Comme quoi, si l'on veut vraiment, on se procure absolument tout ce que l'on veut. Il suffit d'être tenace et de savoir frapper aux bonnes portes. Rassurez-vous toutefois, je ne l'ai montré à personne parce qu'en fait, ça ne m'a pas fait rire du tout. Votre seule erreur, vous étiez encore trop jeune. Ensuite, vous avez systématiquement laissé la case vide. Je pense que petit à petit, tout le monde s'est habitué, sauf moi. Maintenant que je sais, croyez bien que j'en aurais fait strictement autant. C'est vieillot, et cela ne vous va absolument pas. Cela voudrait-il dire que mon secret est sauf ? Oui, je ne le dirai à personne, même pour plaisanter. Merci, monsieur. Cela me touche profondément. Une dernière chose, je vous rends ceci. Ah, ma déclaration de revenus. Ça non plus, vous ne voulez pas la conserver ? Franchement, non, la mienne me suffit. Dutilleul, pardon de vous parler une fois de plus très sérieusement, mais vous n'avez pas accepté d'être traité de la sorte. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quoi que vous puissiez penser. Comme je voulais savoir d'où elle venait, j'ai mené ma petite enquête, très discrètement, cela va sans dire. J'ai même contacté Destré, mine de rien. Il ne s'est guère fait prier pour me communiquer le nom de son informateur. L'imbécile a dû sincèrement penser que j'en avais besoin. Moi, croyez-le ou non, je répugne à employer ces méthodes. Ce n'est pas loyal. C'est tout à votre honneur, monsieur. Mais vous connaissant, vous avez dû vous assurer que cette source ne sèmerait plus à tort et à travers. Ai-je raison ? Tout à fait. La personne s'est vue discrètement remerciée. Apparemment, vous n'étiez pas le seul. Joli personnage. Oh, même pas. Sans doute un de ces frustrés comme il y en a tant. On se venge comme on peut, n'est-ce pas ? Seulement cette fois, c'est tombé sur vous. Espérons toutefois que Destré n'a pas fait de copie. C'est à espérer. Mais je ne peux vous le garantir. Seul l'avenir pourra vous le dire. Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à m'en faire part. Voulez-vous, Dutilleul ? Vous n'hésiterez pas, n'est-ce pas ? C'est entendu, monsieur. Finalement, chef, il n'était pas con, ce vieillard. Eh bien non. Je crois même que je vais le regretter, car il nous a bien soutenus. Au moins, il avait une certaine morale. En tout cas, il a eu une sacrément belle promotion. Il l'a mérité, Bellegarde. C'est un bon élément. Je suis heureux qu'il évolue. Qu'en est-il pour vous, chef ? Vous restez là ? Eh bien oui. De toute façon, il est un peu tard pour penser un plan de carrière, vous ne croyez pas ? Puis au fond, qu'est-ce que j'y gagnerais au bout du compte ? Devoir construire une nouvelle équipe ? Cela prend trop de temps. En parlant d'équipe, Girardin est rudement content. J'en suis heureux qu'il ne le dise pas trop fort toutefois. Oh, il l'a bien compris. Je crois qu'un autre bébé ne va pas tarder à être mis en route. Vous l'avez bien récompensé, chef. Je n'ai fait que demander. C'est Viard, en fait, qui a su pousser à la roue. De toute façon, cette fois, il le fallait vraiment. Girardin a montré toute sa valeur. Au moins, il ne risque plus de partir. Ce qui est bien, parce que je ne vous cache pas que ça commençait à devenir très chaud. Heureusement que vous l'avez compris à temps, parce que sinon... Je sais, Bellegarde, je sais. L'avenir me rend confiant. Henri Castex est de retour. Ça alors, comment va-t-il ? Je ne l'ai pas encore vu, mais cela doit aller puisqu'il revient. Alors là, chef, avec lui, on ne peut faire que du bon boulot. Dommage seulement qu'il ne puisse plus nous accompagner comme avant. Mais bon, on ne peut pas tout demander. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Je fais découvrir à Mado l'auberge de la Vieille Fontaine. C'est chouette comme adresse ? Oui, Bellegarde, c'est très chouette. Effectivement, le samedi matin, Dutilleul, accompagné de Mado, prit l'autoroute de Normandie. Le temps était radieux et la circulation si fluide qu'ils arrivaient rapidement à destination. Micheline Servier le reconnut immédiatement et sourit quand Dutilleul réserva la suite. Mado, quant à elle, apprécia le lieu et réclama aussitôt un câlin. L'après-midi passa ainsi sans même qu'ils s'en aperçoivent vraiment. Mado avait été très marqué par l'affaire Turandot, même si elle n'en avait pas fait état. C'est sans doute pour cela qu'elle l'interrogea un peu plus tard. Dis, mon tilleul, qu'est-ce que ces gamins avaient vraiment en tête ? Que te dire ? Je n'en sais rien. La seule chose un peu cohérente que j'ai retirée de cette affaire, c'est que tous avaient le sentiment d'être comme abandonnés, comme de vulgaires paquets aux tournelles. Tout est sans doute parti de là. Il y a pire comme traitement, tu ne crois pas ? Pour toi et moi, sans doute. Mais mets-toi un instant à la place de ces gosses. Ils n'avaient jamais rien fait. Tous étaient vraiment aux antipodes des délinquants que l'on croise habituellement. Même Dacrou ? Absolument. C'était vraiment du très petit gibier. Surtout, lui était récupérable. Thouvenot, là, c'est différent. Histoire familiale très difficile. Ses parents se sont tués en voiture 6 mois après sa naissance. Il ne s'en est jamais remis. Il n'a pas accepté. D'autant plus que le chauffard n'a jamais été retrouvé. Alors pourquoi volontairement sortir du droit chemin ? Parce que justement, ils n'avaient pas le profil. Ils ont cru qu'on ne les trouverait pas aux tournelles. Comme beaucoup, ils se sont lourdement trompés. La Garenne Colombe, le 21 janvier 2009. Ainsi s'achève 12 berceuses pour Dutilleul de Sophie Malcor.